Section 39 de l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 9, deuxième partie, Institution des royaumes ibériques, par Georges Dédevise du Désert. Du XIIIe au XVe siècle s'acheva l'organisation des monarchies de la péninsule. Leurs institutions si originales n'intéressent pas seulement l'archéologue et l'historien, beaucoup de ces institutions sont encore en vigueur, et un plus grand nombre encore sont restées vivantes dans la mémoire des peuples qui en demandent le rétablissement. Portugal. Les institutions portugaises sont calquées en grande partie sur celles de la Castille, aux dépens de laquelle le petit royaume de 90 lieues s'est formé. La loi fondamentale de la monarchie est l'acte des Cortes de Lamego en 1143. La royauté est élective et héréditaire. Le roi a pour successeur son fils et son petit-fils. Si le roi meurt sans postérité, son frère est proclamé roi. Mais le fils de ce frère n'est pas roi par droit de naissance, il n'est roi qu'en vertu d'un vote des Cortes. Les filles du roi sont admises à la succession royale parce qu'elles descendent comme les fils du seigneur roi. Les Cortes sont appelées par le roi à donner leur avis dans les circonstances graves. Aucune règle fixe ne préside à leur composition, ni à leur convocation, ni à leurs travaux. Le seul point bien établi de leur histoire est que les trois ordres ne délibèrent pas séparément et que les décisions se prennent à l'unanimité des trois grands corps de l'État. Le clergé joua en Portugal un rôle prépondérant et menaça plus d'une fois d'annuler l'autorité royale. Il sera parlé plus loin de sa longue lutte contre les rois. La noblesse comprenait à l'origine les ricos homes, les infansores, et jouissait de grands privilèges, mais les lois qui lui sont propres marquent, mieux que dans tout autre pays de la péninsule, le caractère militaire et religieux que doivent avoir les chevaliers. Et noble tout portugais qui, prisonnier des morts, n'a pas abjuré la vraie foi. Sont nobles tous les combattants du Campo de Ourique. Cesse d'être noble quiconque frappe une femme avec l'épée ou la lance, est publiquement convaincu de mensonge ou fuit dans une bataille contre les morts. Le corps de la noblesse est extrêmement nombreux et les pauvres infansores deviennent aussi rapaces que l'Église. Cette pauvreté est pour eux un stimulant. Elle entretient chez eux l'esprit d'aventure. Les communes, ou conchelos, reçoivent, comme en Castille, des chartes municipales, forais. Et leurs citoyens sont répartis en trois ordres, milites cavalari, clerici, pedones. Le Conchelo est un état en miniature, mais aisément surveillé par le roi ou possédé par des prélats puissants comme les archevêques de Porto et de Braga, les Conchelos portugais n'eurent jamais l'autonomie ni la fière indépendance des communautés castillanes ou aragonaise. Les lois portugaises ne présentent pas non plus une très grande originalité. La première codification des anciennes coutumes eut lieu sous Alphonse IV, 1325-1357, dont l'œuvre fut modifiée sous le règne de Don Duarte, ou Édouard, 1433-1438. En 1425, Jean Ier fit faire un recueil des lois de Justinien les mieux applicables en Portugal. On y joignit les commentaires d'Arcus et de Bartole. La glose de Bartole faisait loi en cas de divergence d'opinion. Il y a loin de cette pauvre législation aux grandes collections de la Castille et de l'Aragon. Le Portugal eût été vraisemblablement réduit à un rôle aussi effacé que la Navarre s'il n'avait eu deux avantages incomparables qui ont manqué au petit royaume pyrénéen. Un sol fertile et une longue étendue de côtes jalonnée de bons ports. Les rois de Portugal comprirent de bonne heure qu'il fallait faire de leur royaume un état agricole et commerçant à une puissance maritime. Dès le règne du roi Denis, 1279-1325, l'agriculture était protégée. On exploitait des mines de fer et d'or. On commerçait avec la Flandre, l'Angleterre et la France. Denis fit venir des ouvriers génois qui apprirent aux Portugais à construire des vaisseaux pontés. Il fit planter des forêts dans les terrains vagues et, 100 ans plus tard, la marine portugaise y trouvait des ressources si abondantes que le roi Ferdinand, 1367-1383, permettait aux marchands de construire leurs vaisseaux avec le bois des forêts royales. L'exploitation intelligente du sol national, le commerce de mer, les voyages de découverte et la colonisation finiront par faire du petit royaume une grande puissance. Les progrès furent surtout retardés par la guerre acharnée du clergé contre le roi. Cette lutte est un des épisodes les plus curieux de l'histoire de la péninsule. Le royaume de Portugal se trouvait, à l'égard de l'Église, placé dans une véritable dépendance. Le pape Lucius II, 1144-1145, avait consenti à prendre la couronne portugaise sous sa protection, mais le roi s'était engagé à payer au pape une redevance annuelle de 4 onces d'or. Saint Bernard, s'étant entremis dans cette affaire en faveur du roi, avait aussi obtenu qu'une rente de 50 maravédis d'or serait payée à l'abbaye de Clairvaux. Plus tard, le pape Alexandre III, 1159-1181, renouvela le traité avec le roi de Portugal. Le tribut fut porté à 2 livres d'or, payable chaque année entre les mains de l'archevêque de Braga. Sanche Ier, 1185-1211, fils d'Alphonse Ier et Henriquez, essaya de se soustraire à l'obligation du tribut. Innocent III maintint énergiquement ses droits de suzeraineté et obligea le roi à payer un acompte de 520 maravédis. Ces prétentions du Saint-Siège furent une première cause du conflit entre l'Église et la royauté portugaise. Le premier roi de Portugal, Alphonse Ier Henriquez, 1143-1183, crut trouver dans les évêques des auxiliaires dévoués et étendit outre mesure les privilèges du clergé. En 1128, Alphonse Ier, qui n'était pas encore reconnu roi, s'engagea à bâtir à ses frais l'église cathédrale de Braga. Il exempta de toute charge ses domaines, mit tous les bénéfices du diocèse à la nomination de l'évêque, renonça à toute autorité royale sur cette église. Il déclara s'abandonner au conseil du prélat et de ses successeurs et se tenir pour assurer à tout jamais de leur affection. Devenu roi, il prodigua au clergé les concessions territoriales, les privilèges d'immunité, les faveurs de toutes sortes. Il commença la construction du monastère d'Alcobaça et fonda l'ordre de San Miguel de Hala. Dès le règne de son fils, Sancho Ier, les difficultés commencèrent. Les évêques de Porto et de Coimbre se plaignirent que les officiers royaux ne respectaient ni les propriétés ni la juridiction ecclésiastique. Il était évident que les privilèges accordés au clergé dépassaient toute mesure raisonnable et que le roi devait être à chaque instant tenté de les enfreindre. Mais la résistance des évêques dépassa en violence tout ce que le roi pouvait redouter. L'évêque de Coimbre se rendit à Rome, attaqua le roi jusque dans sa vie privée et prononça l'anathème contre lui. Sanche ne fut absous qu'au lit de mort, et peut-être dut-il acheter l'absolution, car il légua par testament 100 marques d'or au Saint-Siège. Les mêmes scandales se renouvelèrent sous Alphonse II, 1211-1223, qui eut à lutter contre l'archevêque de Braga et mourut excommunié. Sanche II, 1223-1245, essaya de faire la paix avec l'Église. Il traita avec les prélats et leur accorda à l'Assemblée de Coimbre une charte très avantageuse. Mais il ne put toujours empêcher les seigneurs portugais d'usurper sur les droits du clergé. Il fut trouvé trop faible et les évêques offrirent la couronne à son frère Alphonse. Le 21 septembre 1245, à Paris, Alphonse, comte de Boulogne, substitué par le pape à son frère Sanche II, promit solennellement de respecter tous les droits des moines et des clercs, quels qu'ils fussent, écrits ou non écrits, et de restituer au couvent ce qu'ils avaient perdu sous le précédent règne, suivant l'estimation des prélats. L'assassin d'un clerc devait être puni d'un châtiment plus terrible que le meurtrier ordinaire. L'excommunié, s'il osait attaquer le prêtre qui avait prononcé l'anathème, serait puni. Les châteaux construits au détriment des églises et des couvents seraient démolis. Les patrons des églises qui auraient perdu le droit de patronat par leurs crimes ou ceux de leurs proches seraient empêchés par le roi d'exercer plus longtemps ce droit. Le roi devait fuir les excommuniés, obéir au prélat pour tout ce qu'il jugerait utile au bien de l'État, être toujours soumis à l'Église, faire prévaloir la gloire et l'autorité de l'Église en toutes choses suivant ses forces. Alphonse III, 1245-1279, était candidat au trône quand il jura l'observation de cette grande charte des droits ecclésiastiques. Roi, il lui fut impossible de tenir tout ce qu'il avait promis. Il fut excommunié, comme l'avaient été Sanche II et Alphonse II. De Nice, 1279-1325, conduisit la lutte contre le clergé avec plus de prudence et de bonheur. Dans les premières années de son règne, il négocia avec les clercs et leur promit sa protection. Il ne se départit jamais de la patience qu'il avait montrée dès le début. Il n'usa jamais de violence, mais il arrêta énergiquement les progrès des biens de main morte, laissa les couvents lutter avec la petite noblesse qui voulait vivre à leurs dépens, et se prépara de bons légistes et de bons procureurs en introduisant à l'université de Coimbre l'étude du droit romain. Alphonse IV, 1325-1357, continua cette sage politique et fit réviser par des commissaires tous les titres de propriété des églises. Il faillit cependant succomber dans sa lutte contre l'évêque de Porto. Maître absolu dans sa ville, ce prélat en laissait le gouvernement à un délégué qui résidait continuellement à Avignon auprès du pape. Le roi le somma de revenir et voulut lui faire reconnaître son autorité. L'évêque et ses successeurs soutinrent la lutte avec obstination et le conflit ne fut définitivement réglé qu'en 1406, bien après la mort d'Alphonse IV. Le roi Jean Ier, 1385-1433, racheta leurs droits sur Porto pour 300 000 livres. La pacification générale fut l'œuvre de Pierre le Justicier qui, par la convention d'Elvas, 1361, régla les rapports entre le clergé et le roi et maintint les privilèges ecclésiastiques, en tout ce qu'il n'avait pas de contraire à la prérogative royale. À partir de ce moment, on peut considérer cette grande lutte comme terminée. Mais les rois de Portugal avaient mis un siècle à conquérir leur royaume sur les morts et 250 ans à conquérir leur indépendance sur le clergé. Castille. La Castille est avant tout le pays des nobles et des communes. La royauté castillane a gardé quelque chose de son origine élective. Les Cortés sont appelés à reconnaître solennellement les droits de l'héritier à la couronne, et ne lui prête serment de fidélité que lorsqu'il a juré lui-même de respecter les libertés du royaume. La succession n'est pas encore entièrement fixée à la fin du XIIIe siècle. Presque à chaque événement, le trône est disputé par plusieurs compétiteurs. Les droits du roi sont en apparence considérables. Il déclare la guerre et signe la paix. Il nomme aux emplois civils et militaires. Il a l'initiative des lois, il peut demander à ses sujets toutes sortes d'aides et d'impôts. Mais son autorité n'est rien moins qu'absolue. Il est surveillé de près par le Conseil royal et ne peut décréter aucun nouvel impôt sans l'assentiment des Cortés. Le Conseil royal était composé de représentants de la plus haute noblesse du pays et de grands officiers de l'État, auxquels s'adjoignaient quelquefois des députés de la bourgeoisie. On y réglait les affaires publiques les plus importantes au point de vue civil, militaire ou diplomatique. Il formait une sorte de tribunal d'appel supérieur auquel on ne pouvait s'adresser avant d'avoir déposé une caution préalable de 1000 doubles d'or. Le roi ne pouvait, sans son consentement, aliéner une partie de ses domaines, ni accorder des pensions au-delà d'une certaine somme, ni nommer aux bénéfices vacants. On a déjà vu ce qu'étaient les Cortés. La première assemblée à laquelle on puisse donner ce nom se tint à Burgos en l'année 1169. Mais au commencement du XIIIe siècle, il n'y avait encore rien de régulier dans la tenue des États, et l'on ne compte que deux réunions des Cortés pendant le règne de Saint-Ferdinand. Dès le règne d'Alphonse X, on en compte 17. Et, de 1217 à 1474, les Cortés ne se réunirent pas moins de 149 fois, sans qu'il y ait eu jamais aucun principe fixe pour régler leur convocation. Les Cortés comprenaient des députés des quatre ordres au bras de l'État. Brazos, prélats, ricos hombres, chevaliers et gens des communes. Mais là encore, on ne voit rien de légal ni d'obligatoire. Les prélats et riches hommes étaient membres de droit des Cortés. Il s'y rendait à volonté. Le roi y mandait aussi qui il voulait. L'élection des chevaliers n'était soumise à aucune règle, et les villes elles-mêmes finirent par regarder comme une charge leur droit d'envoyer des députés. Le trésor public prit les frais à sa charge, mais diminua le nombre des villes représentées. En 1315, 90 villes avaient droit de représentation à Ziendo au Cortés. En 1391, on n'en voit plus figurer que 50. En 1480, 18 villes seulement envoient encore des députés, mais l'une d'elles, Guadalajara, votait pour 400 villes, bourgs et villages. Les droits des Cortés n'étaient pas mieux définis que les règles relatives à leur composition ou à leur convocation. Elles avaient le droit d'adresser au monarque des remontrances et de lui demander le redressement des griefs, mais c'était un droit absolument dépourvu de sanctions. Le roi devait, en principe, requérir le consentement des Cortés pour faire des lois, et une loi des Cortés de Briviesque, réunie sous Jean II, semble même avoir précisé cette obligation. Mais Henri IV y dérogea formellement dans plusieurs constitutions, et dès le milieu du XVe siècle, les rois ajoutèrent à leur ordonnance cette formule exécutoire: je veux que tel acte ait force de vigueur de loi aussi bien que s'il avait été fait et promulgué en Cortés. Le seul droit incontesté des Cortés était de voter l'établissement de tout nouvel impôt, et encore, jamais les députés ne purent obtenir que le vote de l'impôt ne précéda pas le redressement des griefs. Ainsi, quoique les Cortés aient été un rouage important du gouvernement en Castille, et qu'il leur ait manqué peu de choses pour devenir un puissant instrument de liberté, on ne saurait y voir une institution absolument fondée, ni vraiment populaire. Elles étaient loin d'apporter à l'exercice du pouvoir royal les mêmes obstacles que le Conseil, qui était permanent et composé d'hommes puissants. Ce qui contribua surtout à affaiblir en Castille l'action de la royauté, ce furent les longues régences qui troublèrent le pays pendant la minorité de Ferdinand III, de Ferdinand IV, d'Alphonse XI. Le patrimoine royal était mis au pillage par les seigneurs qui se disputaient le pouvoir, et la guerre civile entre Pierre le Cruel et Henri de Trastamare mit le comble au désordre. Henri III, 1390-1406, était réduit, si l'on en croit la légende, à une telle pauvreté que son maître d'hôtel ne pouvait suffire aux dépenses de sa table et ne trouvait dans Burgos aucun crédit. Les véritables maîtres de la Castille étaient toujours les gens d'église et les nobles. Dès le temps des Goths, les clercs avaient joué en Espagne un rôle prépondérant. Mais pendant la période de Reconquista, la grande masse de la nation poursuivit les morts d'une haine inexpiable dont le clergé sut tirer profit. Au XIIIe siècle, les trois grands ordres de Castille, Alcantara, Calatrava et Saint-Jacques s'étaient fondés. Ils ne firent que s'enrichir pendant les deux siècles suivants. Comme les chevaliers de Saint-Jacques n'étaient pas soumis à l'obligation du célibat, un grand nombre de seigneurs castillans entrèrent dans cet ordre, dont la grande maîtrise devint la première dignité militaire du royaume. Le maître de Saint-Jacques avait 60 000 ducats de revenus et pouvait mettre 1500 lances sur pied. Quoique moins riche, les deux autres ordres étaient encore fort puissants. L'ordre d'Alcantara avait 4500 ducats de revenus. L'ordre de Calatrava était le plus pauvre, mais sa règle était la plus sévère. Ses chevaliers priaient et dormaient l'épée au côté. À côté de ces moines guerriers, il faut citer les ordres monastiques innombrables qui couvraient l'Espagne. La piété des princes, des prélats, des grands, des simples particuliers avaient couvert le territoire de monastères et de couvents. L'abbesse de Las Huelgas, près de Burgos, exerçait des droits de juridiction sur 14 grandes cités et plus de 50 villes. Les monastères d'hommes de Miraflores et de Saint-Pierre de Cardaigne, situés tous les deux dans la même région, n'étaient pas moins riches. Les moines mendiants pullulaient dans toutes les parties du royaume, et s'ils ne donnaient point toujours l'exemple des vertus dont ils recommandaient la pratique, ils n'en avaient pas moins de succès auprès des gens du peuple par leur fanatisme grossier et leur haine aveugle du juif et du mort. Grands vendeurs de patenôtres et montreurs de reliques, pieux vagabonds, allant de pèlerinage en pèlerinage, ils apportaient partout leur esprit d'intolérance et préparaient la Castille à subir un jour le joug de l'Inquisition. Le clergé séculier n'était pas beaucoup plus exemplaire. Il était d'usage que la gouvernante ou l'ama d'un curé participât aux privilèges ecclésiastiques et fut, comme son maître, exempte d'impôts. Au XVe siècle, un concile provincial réuni à Tolède décida qu'à l'avenir, nul ne serait ordonné prêtre s'il ne savait au moins lire le latin. Cependant, dans chaque ville conquise sur les morts, un tiers des terres était réservé à l'Église. Les bénéficiaires, nommés par le pape depuis le règne d'Alphonse X et à peu près indépendants du pouvoir royal, ne devaient au roi que leurs prières et 3/9 de leur dîme, tertias reales. Les grands dignitaires de l'Église menaient un train de princes et comptaient parmi les personnages les plus puissants de l'État. Les archevêques de Burgos, de Saint-Jacques, de Valladolid, de Séville étaient de richissimes seigneurs. L'archevêque de Tolède, chancelier né de Castille, avait 80 000 ducats de revenus et les dignitaires inférieurs de son église touchaient ensemble 180 000 ducats. Presque tous ces prélats avaient conservé l'habitude de conduire eux-mêmes leurs vassaux à la guerre. Au XVe siècle, l'archevêque de Tolède combattait armé de toutes pièces et portait par-dessus sa cuirasse son étole pontificale brodée de croix blanches. On comprend quelle puissance donnait à ces prélats guerriers et politiques leurs immenses richesses et le pouvoir discrétionnaire qu'ils exerçaient sur tous leurs vassaux. La noblesse castillane ne présentait pas un spectacle moins brillant. Très avides de distinction, les Castillans attachaient au moindre titre une importance extraordinaire. C'était un honneur de ne compter ni juifs ni morts parmi ses ancêtres et d'être vieux chrétien. Le noble se nommait Hidalgo, Fidalgo ou Fijodalgo, c'est-à-dire fils de quelque chose, homme ayant du bien, propriétaire. Ce titre pouvait s'acquérir. Devenait Hidalgo quiconque venait s'établir dans une ville nouvellement conquise sur les morts, et y vivait noblement, sans exercer de métier manuel, en ayant chez lui un cheval et des armes pour le service du roi. Les Hidalgos plus riches prenaient le titre de chevalier, et la reine Isabelle a défini d'une manière assez curieuse la différence qui séparait le Hidalgo du chevalier. Ils se distinguent entre eux, disait-elle, comme les chevaux et les roussins. Les chevaux ont meilleure conformation, la crinière mieux fournie, la queue plus développée. De même, les chevaliers ont plus de bien que les hidalgos pour maintenir leur noblesse et leur splendeur. Certains chevaliers faisaient vœu de courir le pays en quête d'aventure et portaient le nom de caballeros andantes ou de chevaliers errants. Les chroniques castillanes et le romanchero sont remplis de légendes admirables sur la bravoure castillane qui apparaît toujours mêlée d'ostentation et de fanfaronnade. Dans les tournois, les chevaliers combattent à fer émoulu et sans bouclier. À la cour de Bourgogne, un chevalier castillan descend dans la lice la visière levée. Cependant, la bravoure castillane est surtout individuelle et les armées castillanes ne font qu'une médiocre figure sur le champ de bataille. Les génétaires de Henri de Trastamare s'enfuirent en désordre à Narera, au premier choc de la gendarmerie anglaise. La haute noblesse titrée possédait d'immenses domaines territoriaux. Les Lara restèrent jusqu'en 1350 les maîtres de la seigneurie de Biscaye. Le bon connétable d'Avalos, sous Henri III, pouvait aller de Séville à Saint-Jacques en Galice sans sortir de ses domaines. Les Haro, les Mendoza, les Albuquerque, les Villena, les Medinaceli avaient des domaines dans toutes les parties de l'Espagne. Les rois avaient essayé, au XIIIe siècle, de diminuer la puissance des grands seigneurs en remplaçant les gouverneurs héréditaires des villes et des provinces par des adelantados nommés par eux irrévocables. Les pouvoirs de ces nouveaux officiers étaient encore si considérables que l'adelantado de Murcie, Don Juan Manuel, osa briguer la régence pendant la minorité d'Alphonse XI, et peu à peu, des adelantados devinrent héréditaires comme l'avaient été les gouverneurs. Les nobles de Castille se piquaient d'une grande fidélité à leur roi, mais ils plaçaient avant tout l'honneur de leur maison, c'est-à-dire le maintien de tous leurs privilèges, si exagérés et si déraisonnables qu'ils fussent. La moindre atteinte portée à leurs droits leur paraissait une injure impardonnable et les poussait à la révolte, même contre leur souverain. On en vit souvent s'allier à des rois étrangers et même aux morts pour la défense de leurs prétentions. Ces révoltes incessantes de la noblesse castillane ne nuisaient pas à sa popularité. La nation applaudissait ces barons intrépides qui ne craignaient pas de bouleverser tout un royaume pour venger une injure particulière. Il est fort heureux pour la Castille que les domaines des grands seigneurs féodaux aient été disséminés sur toute la surface du pays et n'aient pas formé, comme en France ou en Allemagne, des blocs compacts et solides. Car le pouvoir royal, trop faible et trop mal obéi, ne fut jamais venu à bout des résistances. La puissance de l'aristocratie était en outre tenue en échec par la bourgeoisie des villes. Les communautés castillanes avaient pris de bonne heure une grande place dans l'État et les rois avaient favorisé leur développement sans se rendre compte tout d'abord de l'appui qu'ils pourraient trouver plus tard dans ces villes affranchies par eux, menacées comme eux par les prétentions des seigneurs. Les concessions de Fueros eurent lieu surtout au XIIe et au XIIIe siècle. On en voit encore quelques exemples au XIVe siècle. On n'en compte plus que 5 au XVe et un seul au XVIe siècle. Quelques-unes de ces villes ont, vis-à-vis des autres cités qui ont adopté leur fuero, certains droits de prééminence. Les alcades de Tolède recevaient les appels des jugements émanés des juges municipaux dans toutes les villes soumises au fuero de Tolède, jusqu'à la frontière du pays des morts. Dans la plupart de ces villes, le conseil de la cité se composait d'un certain nombre d'alcades chargés de l'administration et de la juridiction civile et criminelle. Un alguazil mayor commandait la force armée. Les régidors, choisis par moitié parmi les nobles et les bourgeois, gouvernaient les différents quartiers et avaient sous leurs ordres des officiers de rang inférieur, appelés alamines, alarifes, almotadesen. Le corps de ville, réuni en cour de justice, prenait le nom d'ayuntamiento. La plupart de ces magistratures municipales étaient électives et annuelles. Mais à partir du règne de Sancho IV, 1284-1295, les rois s'arrogèrent peu à peu le droit de nommer eux-mêmes les titulaires. Dès 1222, dans le privilège accordé par Saint Ferdinand à la ville de Madrid, le roi se réservait le droit de confirmer l'élection des magistrats municipaux. Les communes castillanes, avec leur confédération ou hermandades, opposèrent un obstacle très puissant au progrès du régime féodal en Castille. Elles auraient empêché l'établissement de l'absolutisme royal si elles n'avaient pas sacrifié d'avance leur droit de représentation au Cortés. Même en dehors des villes dotées d'une charte régulière, il y avait place pour des hommes libres. Les bourgs et villages de Castille appartenaient pour la plupart au roi, à l'église ou à quelques seigneurs. Mais il y en avait aussi qui avaient conservé le droit de choisir leur seigneur et d'en changer lorsque le seigneur cessait de remplir ses obligations. On a parlé plus haut des Villa de Beatria, ou simplement Beatrias. Cette curieuse institution était trop contraire aux idées féodales pour avoir été bien vue par la noblesse. Et ces changements fréquents de seigneur étaient une occasion de trouble que la royauté devait chercher à éviter. Cependant, les efforts des rois restèrent longtemps sans résultat et ils ne purent attaquer les Beatrias que par un moyen détourné. Pierre le Cruel et Henri de Trastamare défendirent à tout noble d'habiter un bourg de Beatria. Les hidalgos n'osèrent bientôt plus enfreindre l'ordonnance royale, de peur de passer pour roturiers, et les Beatrias, uniquement peuplées de vilains, perdirent peu à peu toute l'importance qu'elles avaient conservée jusqu'à la fin du XIVe siècle. Dans ce pays de Castille, si divisé, et où la prérogative royale rencontrait tant d'obstacles, la préoccupation constante des rois paraît avoir été d'établir l'unité de la législation. Dès le XIIIe siècle, Saint Ferdinand fit traduire en romance le Forum Judicum, l'ancienne loi des Visigoths, qui resta la base du droit castillan. Mais comme un grand nombre de dispositions de la loi barbare étaient devenues inapplicables, Saint Ferdinand commença à réunir les éléments d'une nouvelle législation castillane. Son fils Adolphe X continua ses travaux et ne publia pas moins de 4 codes ou manuels de droit. Le Settenario est une œuvre toute théologique. Il se compose de 2 parties. Dans la première, le roi expose les vertus du nombre 7. Dans la seconde, il traite de la Trinité, de la religion catholique, de l'idolâtrie et du sacrifice de la messe. Toute cette seconde partie a été reproduite dans la première partie. Le Fuero Real renferme les dispositions les plus importantes d'un grand nombre de fueros particuliers mis en harmonie avec les coutumes de Castille et le Fuero Juzgo. Presque en même temps que le Fuero Real, le roi publia l'Espéculo, ou miroir des lois, première rédaction de son nouveau code, sorte d'exposé dogmatique qui n'eut jamais qu'une valeur théorique et ne fut jamais appliquée. Enfin, de 1256 à 1263, parurent les Siete Partidas qui forment assurément la législation la plus complète que nous ait laissée le Moyen-Âge. Le grand défaut de cette œuvre considérable est d'avoir méconnu à peu près complètement le caractère original des lois castillanes et d'avoir voulu les remplacer par les lois romaines. Les Castillans virent très bien où le roi voulait les conduire et refusèrent d'adopter les Partidas qui restèrent, comme l'Espéculo, un traité purement théorique. Il fallut près d'un siècle avant que les Partidas obtinssent force de loi. L'ordonnance d'Alcala, préparée en 1346 et publiée en 1348 par Alphonse XI, interpréta les Partidas, leur ôta quelque chose de leur caractère purement romain et leur donna une autorité légale. Mais le code d'Alphonse X resta toujours un code supplétoire. Il ne devait être consulté qu'après l'ordonnance d'Alcala, le Fuero Real et les Fueros Municipaux. L'ordonnance d'Alcala est le premier code général et obligatoire publié depuis l'invasion arabe. Il reconnut cependant la force légale du Fuero Viejo, ou Los Fijos d'Algo, compilation antérieure, dépourvue jusque-là de la sanction royale et qui formait dans certaines provinces de l'Espagne le droit de la noblesse. Ajoutons que les provinces basques, de leur côté, gardèrent leurs lois particulières qui furent codifiées en Biscaye et en Guipuzcoa dans le courant du XIVe siècle. On voit ainsi qu'à la politique d'unification poursuivie par les rois, s'opposait partout l'esprit particulariste des différentes classes de la nation ou des différents pays qui composaient le royaume. Cette multitude de lois particulières ne fut pas sans influence sur l'anarchie qui régna si longtemps en Castille pendant les 3 derniers siècles du Moyen-Âge. Fin de la section 39.